Est-ce qu'on peut en parler de ton futur projet qui va peut-être arriver à l'année prochaine? Eh bien oui, bah, hier je me suis inscrit à The Voice Session 2023. Voilà, donc on peut l'applaudir s'il vous plaît. On peut l'applaudir pour The Voice 2023. Merci beaucoup Martin Baquero. Donc ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé autour de la table? Moi j'ai trouvé ça très belle voix. Moi, ça vous rappelle Whitney Houston qui est décédé malheureusement, paix à son âme. Très belle voix. Merci. Très bonne prononciation. Merci. Moi j'ai rien à dire. Moi je peux vous chanter. Pardon. Vas-y. Continue. Moi je peux vous chanter une chanson a cappella de Johnny Hallyday pour sa mémoire. Bien sûr. Non, mais pour l'instant, on demandait les avis. Là. Effectivement. Ouais, c'est bon, merci. Effectivement, une grosse maîtrise de l'anglais. Merci. Sachant que reprendre du Whitney Houston, ce n'est pas facile du tout. C'est très difficile. Très, très difficile quand on connaît la personne. Donc, pour 2023, que te dire, hein? Vas-y, let's go. Merci, voilà, surtout que Whitney Houston est une chanteuse à voix. Et oui, et en parlant de Whitney Houston, il y aura un film biopic qui sortira normalement en 2023 ou 2024 si je ne suis... 2024, donc je ne sais plus qui est l'actrice qui va jouer, mais ça sera très prochainement dans les salles, une biopic sur la vie de Whitney Houston. Un dernier mot peut-être ? C'est un morceau compliqué à chanter. Oui. Pourquoi tu as choisi ce morceau compliqué à chanter ? Parce que j'aime bien les chanteuses à voix. Et là, tu étais au max, là, ou tu t'es retenu un petit peu encore ? Je me suis retenu. D'accord, bon, on attend The Voice. Hein. Ouais. Non, merci, je peux vous en parler. Merci, tu veux nous chanter ? Non, je veux pas parler. Il y a des micros pour tout le monde, là. Il y a 6 micros. Tu montes un peu, là ? Oui. On a 6 micros, donc chacun peut avoir un... Là, je ne vois que 1, 2, 3, 4, 5, et un micro perdu. Il y en a là, voilà. Tout le monde peut chanter. Ignacio. Il faut le monter un peu. Il faut que tu le montes, là. Pour, Il sort comment, le son ? Oui. Oui. 1, 2. Ça va, Florent ? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Viens, Florent. Merci. Tu as une place ici, là, regarde. Venez, je vous mets le... Donc il y a du monde ici, c'est bien. Florent, bienvenue. Bonsoir. Notre... Ouais, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Quand est-ce que vous faites ? Ah, l'anniversaire, Florent, ouais. Happy birthday to you. Quoi ? Il faut que tu prennes un micro parce que sinon on ne comprend rien après. Quand est-ce que vous ferez une session politique ou... Eh bien, écoutez, si vous voulez, on peut lancer le sujet. On peut lancer. Non, moi, j'ai pas envie d'apporter un sujet. Il y a des chanteurs, là, tout le monde a envie de chanter. Non, mais on a l'idée que... On peut faire du rap engagé aussi, du rap politique, il n'y a pas de souci. Franchement, je vais te dire, on a le temps. Je suis plus intéressé par une grosse discussion politique. Oui, politique. Franchement, je vais te dire, on a le temps large. On a le temps large. On a le temps large. Il y a des chanteurs qui ont envie de chanter. On a le temps large pour faire 10 minutes. Quand vous voulez, si vous voulez parler politique. En fait, l'idée de la radio, c'est que chaque fois, chacun a 5-10 minutes pour parler ce qu'il veut. Tout a de liberté. Si vous voulez parler politique, c'est bien. Vous voulez parler de musique, vous voulez parler d'humour, de Dieu, de la mort, d'hallucination, de plein de choses. La seule chose, c'est respecter, que tout le monde puisse parler. Et voilà, c'est la seule règle. Hein. Jamila, par exemple, elle nous défonce à chaque fois, nous, là, et après, elle écoute les autres. Voilà, c'est bien. Et là, au début, c'était incontrôlable, inténable, Jamila. Mais là, on se tient, on est toutes là. Florent, il est venu là, je suis content, Florent. Tiens, prends un micro là. Tu peux passer un micro à Florent, ou l'autre si tu veux. Parce qu'on a les. On a Florent. Vas-y, Florent, tu peux dire quelque chose ? Bonjour à tous. C'est Florent, et voilà, merci à tous d'être là avec moi. C'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai 25 ans, wow. Et je remercie tout le monde, merci beaucoup, hein, c'est très gentil, merci. Merci. Oui, joyeux anniversaire Florent. Longue vie à Florent. Merci Florent, Vincent. Longue vie. Merci à toi aussi. Longue vie à tout le monde. Longue vie, Florent. Merci, messieurs. Longue vie à tout le monde, messieurs. On voit qu'on a des nouvelles personnes ici. On a des infirmières. On a des infirmières. Il Bonjour. Faut qu'ils passent au micro. Vous pouvez prendre le micro, vous présenter et vous dire votre prénom. Bon. Quelqu'un peut lui passer le microphone à... C'est bien, monsieur. Passez-moi en plein plat. les poètes, Mohamed le poète, le prophète. Bonjour, vous êtes stagiaire infirmière ? Oui, je m'appelle Jeanne, okay. Je suis stagiaire infirmière en première année et je finis mon stage demain. J'ai passé 5 semaines ici. Oh, et vous nous quittez déjà ? Comment s'est passée l'expérience ? Oui. Bah, on vous a pas vu. J'avais... On vous a pas vu. 5 semaines. C'est vrai. Mais bon, c'est aujourd'hui. Mais merci d'être là en tout cas. Oui, bah, je suis contente, mais j'avais des appréhensions, mais ça s'est super bien passé. J'étais contente de découvrir tout le monde et j'aimerais bien refaire un stage en psychiatrie parce que ça m'a beaucoup plu. Bah, restez avec nous, hein, y a la place. En tout cas, on a mercredi, tous les mercredis à 15h, on est là, entre 15 et 18h, donc vous êtes bienvenus, même si vous n'êtes pas en stage. C'est gentil. Vous êtes bienvenus ici à la famille de la radio. Micro, Jamila. Je recherche mon ami qui me dit t'habites Furcy. Je dis oui, elle me dit moi aussi. Sophie. C'est qui est stressée, une métisse, une très belle métisse. Elle va arriver, je pense, juste avant. Hé, hey, Mohamed, le prophète. Tiens. Entendu. Vas-y. On est dans la rue. Combien de frères a-t-elle emporté ? En a-t-elle eu et abattu ? Je ne sais plus. Le trottoir si sombre, couleur sombre, on l'a vu demain, malgré la pénombre. Ouais, les poètes, prophètes, Mohamed, ouais. De retour. Oui. Ok, 17h19, on va dire que c'était la publicité, c'est faux, on a eu un problème technique, mais bon, on reprend et on est tous contents, ouais, ça marche pas ? Ouais, super ! Oui ? On est sur énergie. Allô. Non, je rigole. Non, c'est Radio Métanoïa. Métanoïa, c'est Pinot, c'est pire que Radio Nova. C'est un serveur de sur internet, Pinot, p-nove.org. C'est le micro, c'est plus facile. C'est un site, mais c'est aussi c'est la FM. Parle pour toi, occupe-toi de ton cul. C'est la FM digitale. C'est la FM digitale aussi. T'as pas sur FM à Mulhouse et à Paris. 1, 2, 1. Les taxis boulevards. Pour tous ces fils bâtards qui sont nés quelque part entre la mort et l'ennui. Paris, le monde entier t'appartient, pourtant tu tiens que creux de ma main. Paris. C'est vrai. Jacques Brel. Qu'est-ce qu'il y a eu à l'œil, Mohamed? Bagarre. Bagarre? Non, on a voulu me planter avec un stylo. Où ça? Oh là là. Ici? Il est pas là, Julien, le chien. Non, c'est passé, c'est bon. Oh, avec un stylo? Non, je suis pas opéré d'un hernie viscérale. Ah, c'est pour ça que tu marchais mal. Ah oui. Ah, c'est pour ça que t'étais tordu comme ça. Ouais. Ça va mieux là. Quand tu rigolais, t'avais mal. Ouais. Ouais. Hernie, comment on dit? Viscérale. Ouais, c'est, je me suis fait opérer de ça aussi. On y va. Micro, prends le micro s'il te plaît, parce que sinon on est. C'est la gamelle. Prends le micro, micro. Ouais, faut pas manger. Dans les Grecs, les repas, le self, nique sa mère. Le dernier juste que j'ai eu avait plus de vis que les dealers de ma rue. Eh ben écoutez, le tempo, il est beau, le temps, aujourd'hui. Parce que je suis le maître chanteur, slammer, Pierre Abdel Malik. Je préfère encore malade. Le crédit coopératif. C'est vif, il donne 300 euros, j'achète des baskets, un pantalon, il n'y a plus rien mon copain. Et bien sur ces belles paroles, on va commencer notre rubrique, qu'est-ce que je raconte? Moi je suis un peu fatigué, je vous avoue que j'ai pas dormi cette nuit, mais on s'en fout, on va... Ouais, je vais prendre un octamide, t'inquiète mon ref. Aujourd'hui on va parler... Pourquoi ça veut pas? Bon, bah ça veut pas. Je voulais mettre un jingle, bah ça veut pas. On va parler politique avec notre ami. On a le temps. Non, pas de politique, on va se faire fumer. Non, t'inquiète pas. On va parler 5 minutes de politique, ça va. On va parler 5 minutes de politique. Sur quel Vincent, merci. Vincent. Sur quel sujet veux-tu parler de la, aujourd'hui? Il y en a plein. Il y a la Coupe du Monde déjà, ouais. Au Qatar. Ouais. Ok. Il y a notre président aussi. Si vraiment il a été élu correctement, on se pose des questions. Tout le monde se pose des questions sur Macron, sur tout ce qui se passe en France, sur les prix qui augmentent. Et surtout sur le calme des Français, la réaction du peuple français. Je suis choqué. Je suis choqué du peuple français qui se dit descendant de Jeanne d'Arc, de je sais pas. Est-ce qu'il parle, on est un pays de révoltaires, mais aujourd'hui, je vois effectivement, pas beaucoup les de gens très révoltés. Je vois des gens, je vois beaucoup de lassitude. Ouais. Le pouvoir d'achat, bien sûr. Pouvoir d'achat qui augmente. Macron, il a fait 3 guerres. Hein. Il était en guerre avec. Non, mais c'est vrai. Hein. Il était en guerre tout d'abord avec le peuple pour la Covid. Hein. Ensuite, ensuite, il dit qu'il a fait la paix au nom de la France avec l'Algérie. Ensuite, il a dit qu'il a fait la guerre avec qui c'était quoi le dernier? Il est en guerre au nom de la France, il est en guerre avec la Russie. Et à cause de ces bêtises, le gaz a augmenté à un. C'est pas possible, tout simplement. Ensuite, maintenant, il est en guerre avec le pouvoir d'achat. Mais le truc qu'il faut savoir, Macron est millionnaire avant même d'être président. Il connaît pas la France d'en bas. Il connaît pas la France d'en bas, il connaît rien du tout. Il connaît rien du tout. Il n'en a rien à faire du peuple. Et quand un président, il est président, il est intouchable. Regardez Sarko. Mais oui. Le président, il est intouchable. Ils vont rien faire. C'est parole sur parole. Et comme nous, en France, on est laxiste, on laisse faire. Et c'est naturel pour tout le monde, en vrai. Alors, ton avis sur ça, Vincent? Allô, allô. Il y a Maître Serra. Écoutez... Monsieur Serra, il a dit de manière guitare. Très crue ce qu'on pense de notre président. Ouais. Maintenant, je dirais... voilà, je suis déçu, moi, de la France. Moi. Je suis déçu en tant que Français. Je suis en mode déception. Voilà. Tu as voulu voir qui, toi, comme président? Je sais pas. Je voudrais juste voir des gens qui ont des valeurs. Ouais. Et selon toi, qui représente le plus nos valeurs? Enfin, tes valeurs, en tout cas. Mélenchon. Bah justement, on sait plus. On sait plus qui a des valeurs. Mitterrand, il donnait des grâces. Un mois. On est dans le flou, là. Ouais. 89, le Mélenchon, décentaire. On croyait que c'était quelqu'un qui avait des choses, mais on a vu qu'il s'est vendu en 2 secondes. Ouais. Donc on est surpris. Hein. On ne sait plus trop. Aucune surprise. Hein. Mélenchon, aucune surprise. Et là, on va accueillir une équipe. Et là, on va accueillir une Coupe du Monde, alors qu'il y a eu du sang pour cette Coupe du Monde. Ouais. Ouais. Et toutes les radios françaises vont faire la vente de cette Coupe du Monde. Ouais. Voilà le pays dans lequel on vit. Ouais. Et qui va arrêter tout ça? C'est bien beau. Jamila, il a la réponse. Moi, j'allume la radio. Hein. Mais... Jamila, il a la réponse. Jamila, tu peux répondre? On est dans un pays en chute libre. Ouais. Je sais pas si les gens ils s'en rendent compte. Hein. Ouais. Mais c'est de la chute libre. Donc il faut en discuter, il faut en parler. Et vous avez on vu va pas ce qui se passe tout en bas pour se parler. Et vous avez vu ce qui se passe en Iran? Excusez-moi. Oui, moi je l'ai vu. Excusez-moi, Julien. Vincent. On a vu ce qui se passe. La seule solution, le peuple en action. Non, ouais. La seule solution, c'est qu'on soit tous solidaires entre nous. Qu'on arrête de se détruire les gens contre les autres. Qu'on arrête le racisme. Laisse-moi parler, Mohamed. Qu'on arrête le racisme. Déjà nous, moi qui suis musulmane, entre nous les musulmans, on est racistes. Arrêtons le racisme. Déjà, ça cesse. Les bavures policières, il faut que ça cesse. Tu la mets tous les jours. J'en ai marre. Ouais, mais Mohamed, il faut qu'on soit dans un pays de paix. Et pour la paix, il faut la solidarité. Tu rentres dans mon pays. Et après, Macron pourra l'atteindre. Macaron, Léonidas. On pourra bien l'atteindre. Parce que lui, quand ils l'ont élu, ils ont dit Macron démission, ils ont démoli notre patrimoine. Mais comme il s'est retrouvé avec Le Pen, et personne ne connaît l'histoire de Le Pen, elle a fait un reportage dessus, il y avait Macron et Le Pen, ils ont réélu Macron, alors que déjà ils avaient détruit le patrimoine français. Ils cherchent quoi les Français? Qui détruisent la planète ou quoi? Ils mettent le nucléaire à notre disposition. Mais ça va être l'explosion de la planète, mais le problème, Le problème, c'est pas la France, hein, ni les Français, ni les Françaises. Le problème, c'est l'être humain. Le problème, c'est l'être humain. C'est pas une question de nationalité, d'origine ou d'ethnie. Le problème, c'est l'être humain. Il y a une époque où on était en phase de progression, avec quelques guerres, ok. Mais comme l'être humain ne peut plus se taper dessus, parce que c'est nucléaire, du coup, il y a des tensions. Il y a ce qu'ils appellent cette crise qui dure d'au moins 40 ans. Ça fait 40 ans que dans le monde, on est en crise. Depuis 40 ans. Avant, pour la France, il y a eu les 30 glorieuses. Mais ça fait 40 ans qu'on est en crise et il n'y a pas de solution. Aussi bien politique que populaire, que... il n'y a pas de solution. Donc, en gros, le meilleur moyen, et les gens le savent, les plus éveillés le savent, c'est qu'il y ait une troisième guerre mondiale. C'est la solution. C'est déjà la troisième guerre mondiale. Allô ? C'est déjà la troisième guerre mondiale. Sauf que c'est pas encore apparu en France. Les bombes n'ont pas encore été mises en France. Mais Poutine, quand il a s'énervé contre Macron, qui Macron le lèche, quand Poutine va s'énerver contre la France, tu vas voir le missile qu'il va envoyer, les Français vont rien comprendre. Non mais tout le monde fait une petite pause, ils reviennent, ils sont là, ils fument, ils vont. Là ici on est libre. Prenez les micros, monsieur, c'est quoi votre prénom, je vous lis. Est-ce que sinon ça marche pas parce que. On prend tous des médicaments ici, c'est fou. Oui, on revient. Bon, on va. Oui, mais c'est pas grave, on est là, on est entre nous, là, c'est bon. C'est juste. Oui, mais là. Est-ce que vous pouvez parler au micro parce que sinon je ne vous entends pas, je suis au casque. S'il vous plaît. Oui, voilà. Ce que je voulais vous dire, tout ce qu'ils ont dit, c'est un peu la vérité. Comment s'appelle moi pour moi bah, le monde là, ils sont en train de. Chacun fait ce qu'il veut, quoi. Ils sont en train de nous diviser. Oui. Et après, ben, c'est pas le but. Normalement, c'est pas le but de nous diviser. Le diviser, c'est qu'on soit unis. Et on passe en groupe tous, que ça soit n'importe quelle religion, qu'on soit unis et on s'aide. Et il y a des gens, ils ont des milliards. Et ils font quoi, leurs milliards dans le compte, s'il vous plaît. Allez, et vous écoutez. Ça veut dire, du coup, moi je comprends pas pourquoi ils aident pas. Il y a des gens, ils sont pauvres, ils ont rien. C'est-à-dire même pour boire de l'eau. Ils sont obligés d'aller boire de l'eau du fleuve ou des eaux, ils sont pas potables. Vous voyez ? Et il y a des gens comme Bill Gates, je vous donne un exemple. Hein. Ouais. Comme Bill Gates, ben lui, comment ça s'appelle ? À lui tout seul, il peut créer un État. Il fait quoi son argent dans son compte ? Dans son compte, il fait quoi l'argent ? Au lieu qu'il fasse tourner son argent, il fasse comment ça s'appelle je sais pas moi, des orphelinats. Hein. Il en a fait certains, j'ai pas dit qu'il en a pas fait. Hein. Ouais. Mais en tout cas, il pourrait encore plus aider. Après, il n'y a pas que lui. Il y a Amazon, il y a Facebook, il y a Tesla. Tout cela, c'est des gens, ils ont des millions, des milliards. Ils déclarent que des quelques trucs. Et maintenant, ça veut dire du coup, moi je sais pas. La pauvreté, de toute façon, elle n'est pas venue comme ça. Elle n'a pas été calculée comme ça. C'est-à-dire, c'est eux. Moi, pour moi, c'est la société. C'est la société qui est comme ça. Et après, ben. Moi, aujourd'hui, je sais qu'un riche, c'est rare qu'il va aller aider un pauvre comme ça. Peut-être qu'il va aller faire ça pour ses impôts, pour qu'il diminue. Excusez-moi, je vous ai postillé dessus. Peut-être qu'il va faire ça pour diminuer ses impôts. Et du coup, ça veut dire, sinon, à ces gens-là, moi, je ne sais pas, je ne comprends rien. Et aujourd'hui, ils essaient même de nous diviser. Et la division, c'est pas normal. C'est pas normal la division. Ouais, si. Donc, oui, oui. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est à nous de pas être bête. C'est à nous, on ne doit pas être bête. On doit toujours se réunir. Parce que au jour d'aujourd'hui, ces gens-là, ils nous tiennent comme ça. Mais ils ont besoin de nous, on a besoin de eux. Eux, ils ont des millions, ils ont des milliards. Ils nous créent le travail. Et c'est-à-dire, c'est nous. Nous, en fait, on a pris la routine. tous les jours, le même chemin, 6h du matin, 6h du matin pour aller au travail, 17h pour rentrer à la maison. On a pris cette routine, et on a pris la routine de manger, tous les jours, par exemple, aller au restaurant, manger du poulet rôti. On a pris toutes ces habitudes-là, à manger du luxe, à faire du luxe, et demain, en fait, ils nous tiennent par ça. Et c'est, moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur qu'on en vient à là. Après, c'est leur argent, c'est vrai, certains font ce qu'ils veulent. Hein. Mais en tout cas, moi, c'est malheureux. C'est malheureux que... Ouais. Bon, c'est vrai, c'est un constat, c'est malheureux. Et pour ça que le monde, il est comme ça, et on est tous en décadence. Et les petites poignées des riches continuent à avoir plus d'argent. Voilà, et tout le monde va parler. On va mettre un peu de musique. Vous voulez dire quelque chose? Moi, je voulais juste dire que je n'étais pas totalement d'accord avec ce qu'il disait. Oui. Parce que pour moi, y a des riches, oui, qui vont aider, mais qui ne sont pas obligés de dire qu'ils vont aider. Après, franchement, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son argent. Et il y a des gens, ils sont là, ils disent oui, les riches. Mais les riches, pour être riches, ils ont fait quelque chose derrière. Ils ont créé leur avenir. Donc, après, moi, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à l'argent. Après, oui, j'avais un autre débat, c'était par rapport aux médecins et aux footballeurs. Par exemple, je trouve que les médecins, ils sont moins payés que les footballeurs. Alors que, enfin, il y a une différence entre sauver des vies et taper dans un ballon. Après, c'est juste mon point de vue. Et sinon, pour la division, on parle de la division, mais en vrai de vrai, c'est nous, on se divise. C'est nous, les Arabes, enfin, je sais pas, par exemple, les Marocains et les Algériens, ils s'aiment pas, alors qu'on est pareil, on est tous humains. Voilà, tout le monde divise, tout ce que j'avais à dire. Oui, et puis surtout, c'est important d'accepter, tolérer la différence. On n'a pas besoin d'être tout le temps tous d'accord. On a des petites distinctions dans nos opinions. Voilà, donc c'est. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, quelqu'un d'autre ? Prenez le micro là, s'il vous plaît, parce que sinon on perd le fil avec les gens. Mais par contre, le truc que je voulais vous dire dans ça, c'est que des fois, faire attention, il y a des hypocrites. Ils croient qu'on est des amis, mais derrière, il est de l'autre côté, il est double face. Ça veut dire ça, c'est pas bien. Donc voilà quoi. Il y a des gens qui sont vrais, des gens qui sont faux. Voilà. Mais moi je trouve qu'ici en psychiatrie, on est plus vrai qu'ailleurs. Pourquoi ? Je sais pas. C'est pour ça que je travaille ici. Expliquez-nous pourquoi. Moi j'ai l'impression dans la vie normale, dans la réalité, dans les gens soi-disant normaux, il y a toujours de fausseté. Il faut être faux, il faut faire semblant mais pour vivre, les gens font semblant. Oui, et après, je trouve qu'ici en psychiatrie, il y a des gens qui sont plus spontanés. Après, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous pour ce que vous dites. Dans tous ces cas-là, en fait, faut trier ces trucs-là. Mais malheureusement, de toute façon, on est arrivé à un moment où on ne peut plus rien faire, en fait. En fait, on ne peut plus rien faire parce que ça, c'est depuis l'époque des ancêtres. L'époque des ancêtres, et du coup. On peut plus changer, on peut plus changer ça. Maintenant, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Mais on est là pour apporter notre grain de sable à tout ça. Hein. Qu'est-ce que vous pensez, Tania, de tout ça ? Non ? Pas d'opinion ? Vous allez nous chanter une chanson ? Une chanson ? Ouais, allez-y, une chanson pour passer à autre chose et après on reprend. Ouais, ok. Du coup. C'est quoi qu'on micro, quel numéro ? Le 2, non ? C'est le 3. 3, ok. Voilà, le 3. Du coup, je vais faire Johnny Hallyday, Vivre pour le meilleur. Vas-y. Radio Metanoia. Des gens qui cherchent la... On m'appelle, mais non, dégage. En pleine nuit. Des gens qui courent après l'amour et qui le fuient. Des bras qui se lèvent pour un vieux qui ne voit pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair, en ça je crois. Riches deux hommes qui n'ont que l'illusion d'attendre un signe. Deux femmes qui pleurent leurs enfants et restent vides. Moi qui me remplis pour chaque jour sans Dieu ni loi. Et quand nos corps se font l'amour, je sais pourquoi. Superbe voix, magnifique. Merci. Excellent. Bravo. Alors, et vous, Sania, c'est ça hein? Tu peux prendre le micro, tu peux parler. C'est ton tour. Musique serbe. Je vous la chante, musique serbe. On va avoir la musique serbe maintenant. Allez-y, on a toutes les nationalités ici, internationalités. Parce qu'on a ici, on a multiplié. On croit en différentes choses, on a différents types de nationalités. Et voilà. Il faut que tu prennes un autre micro pour chanter alors, voilà. Proteini, vitamini, samo daje guza top. Nikad neće ništa slatko, ne treba joj Photoshop. Kad obuče suknju mini, ona radi me na hop. Ona priča, a ja čutim kao da sam idiot. Njena lista uvek ista, znači ništa turbofok. To samo mene i još jedno ne znam kog. I na traku kad se penje, treba izgleda dobro. Ja bi zimi da je grejem, ona kaže mi majok. Proteini, vitamini, samo daje guza top. Nikad neće ništa slatko, ne treba joj Photoshop. Kad obuče suknju mini, ona radi me na hot. Ona priča, a ja ćutim kao da sam idiot. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Ipa ne, radi guzu. Oui, super, super, super, bravo, bravo, ouais. C'est excellent. C'est excellent. Allô, allô, allô, allô. Ouais. 1, 2, 1, 2. C'est superbe. 1, 2, 1, 2. Oui, Mohamed, on t'entend, superbe. Fort et clair. Vas-y, Mohamed, on t'entend. 1, 2, 1, 2. Fort clair. 1, 2, 1, 2. Ouais, vas-y. Prends ta queue et fais un nœud. La queue de billard, le placard, le corbillard, c'est pas pour nous. La médecine est une putain, son macro c'est le pharmacien. Maman, quand je serai grand, je n'aurai pas à être étudiant, mais alors qu'est-ce que tu veux faire? Moi je sais pas, moi, un gangster d'amour, pas un mec de balourd. Ouais, c'est le poème de Mohamed, lui il parle en vers, c'est ça. Comme dans les anciens philosophes, on parle pas en dialogue, on parle en vers. On dit voilà, on dit en flou, on dit en vers. C'est un poème, Mohamed, il fait toute poésie. Ouais, vulgaire est le caractère de mon ministère, Mohamed. J'espère être clair, le trait dont on l'enfer. Vas-y, pas. Mohamed, allô, un, oui, deux, t'entends, okay. Bien. Mohamed, tu sais, je te respecte, hein. Toi, t'es un gars de la street, toi, t'es un ancien. T'es un ancien, tu le sais. Et tu te souviens? Oui, très bien, Jérôme. Yeah. Mais Mohamed, les prophètes. Chambre 11. Allô. Vas-y, Jamila. Le sas. Vous chantez une petite chanson de Capella. Ouais. Chanson à Capella. On écoute Jamila à Capella. En hommage à Johnny Hallyday, je ne connais plus les paroles, je la connaissais par vas-y, cœur. Vas-y, on t'écoute. Oh, du pénitencier. Non. Bientôt non, vous serez fermés. Et c'est là que je finirai ma vie. Je me rappelle comme d'autres galons. Vas-y, s'il te plaît, Mohamed. On t'écoute. Silence. Je Jamila. Te promets le sel d'un baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets la lune au-dessus de ta cou. Mais jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme à la lune, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. Je te promets une histoire différente des autres. Et le reste, je m'en rappelle plus. Allô, allô. Vous voulez parler de politique? Il n'y a pas de critique. L'époque hippique. Maintenant, l'argent pourrit les gens. J'en ai le sentiment. Même le gouvernement prêt à baisser leur froc pour une question d'argent. Avec une veste réversible sur le temps. Apparemment, l'armement passe largement avant. La condition de vie de chacun. Le monde est plein de bombes qui creuseront nos tombes. Maintenant, tu tiens à quoi sert le fric qui a lui seul pour stopper la famine dans l'Afrique. Ouais, vas-y, à Capella. Attends. Ouais, je suis là. Ouais, putain, t'entends bien. Ok, ouais, c'est bon, c'est parfait. Ok. On lutte, quand rien ne va plus. On lutte pour arriver à nos buts, pour plus que des thunes, les uns, les autres, tant qu'on est bien de soi à l'autre, on connaît le chemin, d'autres le font contre le racisme, d'autres le font pour leur droit à mort le capitalisme, d'autres me suivent dans ce choix. On lutte, on est là, on fait place, on lutte. Oui les dames, oui les gars, on lutte, on est là, on fait place. On est là, on fait place, luttons, laissons un avenir propre. Luttons pour maintenir la force. Luttons, laissons un avenir propre. Luttons, laissons un avenir propre. La santé est, tout ira bien. La santé est, tout ira bien. Peu importe ce qui se passe, la vie est longue, la vie est courte. Peu importe ce qui fâche, on reste strong, on reste cool. Puissance d'agir, puissance de faire. Prêt pour bâtir, mental de faire, que faire. Que faire, que faire, que faire, que faire, que faire, que faire, que faire à part après de comprendre parce que pas le temps d'être conscient. Autant essayer d'être content tout en étant horrible. En ouais, super, merci. C'est bien comme ça, c'est pas facile, Flo, c'est génial. Ouais. J'ai essayé de te mettre un petit peu des délais, des répétitions de trucs. Mais voilà, on va. Qu'est-ce qu'on parle, Mohamed? Un, deux, Mohamed. Oui, vas-y. Je vais être vulgaire. Vas-y, tu as le droit pour 30 secondes. C'est clair. J'espère être clair. Les traites vont en enfer. Mohamed d'enfer, il va finir à l'abreuvoir. On l'abreuve. Les chevaux fiscaux. Le cheval fiscal coûte très cher. Je roule en deux chevaux. Charleston. Aller à Nîmes. À Montfrin. C'est à 10 km de Nîmes. Il fait super chaud à Nîmes. Le département, c'est le 30. 30 millions de dollars, connard, pour une poignée de dinars. Maintenant, je vais laisser la parole à mon pote, Jérémy. Vas-y, Florent, tu peux y aller. Vas-y, on t'écoute. Allô? Oui, bon, voilà, je voudrais chanter une petite musique vite fait. C'est pour dédicace à ma copine Sania. Voilà. Protéines et vitamines, ça m'a taillé goût, ça tape. Mohamed, et on est quelle planète? Tu connais Saliha? Non. Un rouleau M3, à Nanterre, la maison d'arrêt, ça te fait l'égout. Va pas à Nanterre, ni à Fleury, tu vas fleurir. Villepinte, c'est pour les feignants. Il y a les repas dans le couloir. Va pas au D3. Sainte-Geneviève-des-Bois. 91-705. La juge m'a dit. La juge m'a dit, au CJD, tu vas fleurir. Je lui ai dit, avenue des Peupliers, mais t'es un cerisier. Le sapin, c'est malsain chez les musulmans. Et alors, ça regarde que toi. T'as envie de fêter Noël? Nous, on le fête pas. On fête le jour de l'an. En avant. Tout. Aucun doute. Sans aucun doute. Julien Courbet, c'est de la grosse merde. Je préfère Brassens. Georges, Garogori. Ouais. Les instrus, là, les trucs latinas, tout ça. C'est Julien, je sais pas où il est, Julien. Il est où, Julien? Il est parti, je sais pas où, mais il a laissé son téléphone, donc il doit être pas loin. Mais on peut le faire. Faut qu'il revienne. Julien Carado. C'est lui qui était à côté de moi. Non, un autre. D'accord. Alors, qui continue là et on avait un moi, je vais poser sur une instru. Tout à l'heure, c'était pour m'échauffer. Ouais, il faut. Ouais, je vois, mais il faut l'attendre. Azal, vous voulez parler un peu parce qu'on n'avait pas pris la parole. Juste une pensée pour nous, pour le monde, pour la planète. Qu'est-ce que je peux dire? C'est pas. Prenez le micro, on peut dire ce que vous voulez. Hein. Tenez. Ah, attendez. Parlez de ce que vous voulez. Si on a la liberté de parole. Ici, attention. Il fait froid en ce moment, j'espère qu'il va faire beau. Il y a un peu de soleil qui est sorti. Voilà, il y a du soleil, oui. Ouais. Après la pluie, c'est le soleil. Vous connaissez cette chanson? Il y a une chanson de Négresse Verte qui s'appelle Après la. Tu connais la Négresse Verte? Attendez, attendez, s'il vous plaît, vous parlez de soleil. Paris, les taxis boulevards. Pour tous ces fils bâtards qui sont nés quelque part entre la mort et l'ennui. Paris, le monde entier t'appartient. Pourtant, tu tiens qu'au creux de ma main. Ouais. Voilà. Vous voulez parler de quelque chose, vous? Votre prénom, j'ai oublié. Jeanne, allez-y. Pour ta mission, là, vous pensez pour nous, pour la radio. Je sais pas quoi dire. Il faut parler. De votre stage, vous pouvez dire qu'est-ce que vous avez rencontré. C'est bien de découvrir les gens ici à la radio, différents. Jeanne, la petite cure. Découvrir les gens, pas seulement malades là, parce qu'on est ici à la radio, il n'y a plus de malades. Vous savez que les mots maladie, ça vient de mal à dire. Les gens qui disent mal les choses. 213 euros, c'est quoi? Ajaccio. Ajaccio. Papa, Bastia. Il n'y a que des chiens galeux. Ouais. Encore mieux, Oui. Ils ont la syphilis. Oui. Ils pissent partout. Que ce soit en bas ou en haut. Les water, c'est pour faire tes besoins. C'est pas pour rouler les gens. Ton prénom, j'ai oublié, désolé. Ton prénom, c'est Jérémy. Ah, d'accord. Oui, non, on peut chanter. Oui, on peut changer de nom ici. Hein. Tu l'as mis là, Black Ace. Ok. Mais après, il faut que tu me dises à moi que vous avez, parce que sinon j'oublie. Deux. Vas-y. Ok. Ça ressort, ouais. Ça ressort, c'est bon. On fait pull up un peu, c'est revenir en arrière. Merci. Au travail, okay. Au travail, au travail, t'as fait plus qu'un esclave pour manger sur une grande table. Ok. Au travail, t'as fait plus qu'un esclave pour manger sur une grande table. Ouais, ouais, ok. Pow, pow, ratatata. Pow, pow, ratatata. Pow, pow, ratatata. Ratatata, ratatata. Ah, Charlie. Ok, ok. En n'importe quelle langue, en n'importe quel chant, on se comprend. Aïe, ok. Ok, nos étreintes nous mélangent, puis tu en redemandes. Après, on se contente. Aïe, aïe, je réponds fuego. Je réponds fuego. Je réponds fuego. Ok, je réponds. Ok, je réponds fuego. Lorsqu'elle est chaude, let's go. Je suis frais et chaud. La température augmente. Autrement, sexe intensif commence. Sauvage, plastique, doux, romance. On le fait comment, comment, comment, comment. Papa, ratatata, eh. Ratatata, eh. Ratatata, eh. Ratatata, eh. Pau, pau, eh. Ratatata. Ratatata. Ratatata, eh. Eh, eh. Continue de bouger en rythme. Ouais, ouais. Elle rengonne sur du reggaeton. Ouais, ouais. J'apprécie cette jeune. Ouais, oui. Elle rengonne sur du reggaeton. Ouais, oui. Ratatata. Pau pau. Ratatata. Pau pau. Ratatata. Au travail, au travail. Au travail, au travail. Au travail, au travail. Au travail, au travail. Au travail. Au travail pour manger sur une grande table. Au travail, au travail, au travail, au travail. T'as fait plus qu'un esclave pour manger sur une grande table. Au travail, t'as fait plus qu'un esclave pour manger sur une grande table. Au travail, elle ronronne sur du reggaeton. Ra, ra, ra, ta, ta, ta. Allô, allô. C'était Black Ace ici à Radio Metanoia. J'espère que tu viendras souvent ici. Jérém pour les intimes. Merci, Jérém pour les intimes. Jérém, on va essayer de revenir. Hein. Ça a l'air très intéressant. Ce ouais, que vous ouais, on a liberté. Des maintenant, vous voulez parler de politique? Vas-y. Le gouvernement. Vas-y. J'emmerde. Vous avez plus d'argent que Macron. Sa femme, elle lui a dit de plus manger de chocolat. Elle est créditée. Elle mange des triangles. À la pompe totale. Sur la A6. J'ai vu Macron. Il ne vaut pas un clou. Il va faire dessouder. Mélenchon, j'y crois à fond. Marine Le Pen, c'est dommage qu'elle n'ait pas passé. Alors elle fait sa lessive elle-même. Voilà, il a des moments de vérité de Mohamed qui sont fulminants comme ça. Voilà, on a 3 minutes. Qu'est-ce qu'on fait, Tania, en 3 minutes? Voilà, une chanson là-bas, oui, Jeanne.